Le cours de l'histoire. Xavier Mauduit. Enfants et résistants, les petites mains de l'armée des ombres. Dans ce cartable d'écolier, il n'y a pas seulement un cahier, un plumier. Dans cet atlas, oh quel joli livre, il n'y a pas seulement des cartes. Pas question d'école buissonnière pour flirter avec l'interdit. Les valeurs de la République et de la démocratie ont été entendues à l'école, apprises et comprises. Dans une école de Paris, le plus jeune de tous les résistants de France, Jean Thomas, aujourd'hui âgé de 16 ans, déjà titulaire de la médaille militaire et de la croix de guerre, a reçu la médaille de la résistance. Maquisard, de 13 ans, arrêté et torturé, il eut le courage de se taire. Trois décorations honorent aujourd'hui son mérite, ce qui ne l'empêche pas de continuer ses études. Juste après la Seconde Guerre mondiale, un héros de 15 ans présenté dans le journal des actualités françaises. Bonjour François Broche. Bonjour. Vous avez étudié ceux qui n'avaient pas 20 ans, ils n'avaient pas 20 ans, la révolte des jeunes 1940-1944 que vous publiez chez Talendier. Quel âge ont-ils? Ils n'avaient pas 20 ans les plus jeunes? Selon une sociologie des Français libres, qui a été établie par l'historien Jean-François Mérassiol, l'âge moyen était de 22 ans. Parmi l'immense troupe des Français libres, les trentenaires étaient très nombreux et 5% avaient moins de 17 ans. C'est très jeune, hein, c'est authentiquement très jeune. Dans cette réflexion autour de l'acte de résistance, il y a une question, François Broche, qui se pose tout de suite. Dès qu'on parle d'enfants ou de jeunesse, on se dit « Ah mais oui, mais il y a l'environnement, il y a les copains, il y a les parents, surtout les parents. » Est-ce que cela rentre en compte? Bien sûr, ça rentre en compte, mais pas seulement. Dans l'entrée en résistance, il est évident que les causes dont on parle habituellement, le milieu socio-culturel, les origines, les appartenances idéologiques, religieuses, d'origine géographique, entrent en ligne de compte. Mais il y a, dans l'engagement des jeunes, autre chose. Il y a une part mystérieuse. L'historien des mentalités sous l'occupation, Pierre Laborie, se demandait comment peut-on risquer sa vie dans une aventure collective quand on est jeune? Et il répondait lui-même, cela reste une énigme. Il y a donc cette part mystérieuse qui fait que un jeune, à partir de 11 ans, 12 ans, Madame Torrent, par exemple, avait 12 ans quand elle est entrée en résistance, un jeune entre dans ce mouvement sans réfléchir, sans analyse. C'est comme ça que ça part directement. Et Josette Torrent, vous êtes avec nous. Bonjour. Bonjour. C'est Xavier Mauduit, vous m'entendez. Vous êtes bien là en direct de France Bleu avec cet ouvrage. J'avais 12 ans et j'étais résistante. 12 ans, résistante. Et on vient d'entendre cette part de mystère. Vous, votre entrée dans la résistance, on sent qu'il y a cette figure majeure, celle de votre père. Oui, bien sûr. C'est pour faire ce qu'il vous a demandé que vous êtes entré en résistance. Quel était le sens que vous donniez à cet acte-là? C'était pas seulement répondre à une demande de votre père. Qu'est-ce que vous vouliez alors? Ce que je voulais, c'était ficher les boches dehors de France. C'est tout. J'étais à Saint-Malo quand les boches sont entrées. En chantant, des bruits de bottes, ils ont mis des canons partout, on rencontrait des Allemands tout le temps, il y avait eu des bombardements. C'était, disons, très, très difficile. Et surtout, quand mon père a été mobilisé, je pleurais parce que je voulais pas qu'il parte, et il m'a expliqué pourquoi les hommes étaient mobilisés, c'était pour défendre la France. Et moi, la France, j'en ai fait, disons, pratiquement une personne qui s'appelait France, qu'il fallait défendre. C'est votre père. Il nous avait dit ce jour-là, je vous aime toutes les trois, enfin ma mère et ma sœur et moi, mais avant vous, il y a la France. Et moi, j'ai toujours gardé ça en moi, et la France. Et quand j'ai aidé mon père, c'était pour aider la France. Vous vous souvenez J'étais patriote. Bah, patriote, oui, parce que on l'entend bien dans votre témoignage, Josette Torrent, et c'est assez vibrant. Ce n'est pas simplement apporter des messages parce que votre père vous a demandé de les apporter. Ça va beaucoup plus loin. Ce patriotisme, c'est une vision particulière et magnifique de la France avec le premier moment, et vous le dites bien, c'est la guerre, la drôle de guerre, la mobilisation Et puis, le deuxième moment, c'est celui de l'occupation avec une omniprésence des Allemands. Vous le voyez autour de vous. Mais oui, bien sûr. Non seulement les Allemands, mais les sirènes qui sonnaient pour les bombardements, enfin, tout ce qui a trait à la guerre, disons. Et c'était très difficile pour moi de voir ces boches qui souillaient le sol de France. Ça, je ne pouvais pas le supporter. Est-ce que vous avez souvenir de moments à la maison où, avec la famille, vous discutiez de tout cela? Vous étiez jeune, hein, il faut le rappeler, mais même jeune, on comprend beaucoup les choses. C'est votre père, votre mère, à table, qui vous analysait ce qui se passait autour de vous? Absolument pas. J'ai jamais entendu à la maison parler de quoi que ce soit. D'ailleurs, les enfants à l'époque ne savaient rien, hein. Ils lisaient pas les journaux, les parents ne discutaient pas, on ne savait rien. À quel moment il vous a demandé? Maintenant, c'est ce que j'ai appris après. À quel moment il vous a demandé, votre père, de l'aider dans ses actes de résistance? Eh bien, en 42. En 42, quand nous étions revenus à Perpignan, on a passé la ligne de démarcation. Avec un grand coup de chance, avec ma mère et ma sœur, parce que nous n'avions pas de sauf-conduit pour passer la ligne de démarcation. Mon père s'était fait démobiliser à Perpignan, pensant que ça serait plus facile pour nous de le rejoindre, mais ça n'a pas été le cas. On a passé la ligne de démarcation, on a rejoint mon père. On a vécu 2 ans à Perpignan, disons, puisqu'on est arrivé fin 40 à Perpignan. On a passé 2 ans relativement tranquilles, malgré les restrictions. Et puis, en 42, mon père a eu besoin de moi. Il a eu besoin de vous pour faire quoi? Eh bien, parce qu'il était malade, il ne pouvait pas bouger. Et il avait un document important à porter, il ne pouvait pas le faire. Il vous a demandé de le transmettre. Josette Thorand, j'avais 12 ans et j'étais résistante. Vous étiez agent de liaison de votre père avec un système à la fois très ingénieux et très simple. Utiliser un livre, en l'occurrence un atlas. C'était comment? Ben oui, ça, l'atlas, bon, c'est mon père qui avait décidé ça. Il avait fait une double couverture à mon atlas de géographie de l'école pour passer des messages. Alors j'allais avec cet atlas parce que j'allais à l'école Sévigné qui était près de la gare et il y avait un jardin public en face de la gare. Alors avant d'aller à l'école, j'allais dans le jardin public, je m'asseyais sur un banc, je mettais mes livres et mes cahiers à côté de moi sur le banc. Quelqu'un venait, maintenant je sais que c'était quelqu'un qui arrivait d'un train de Montpellier ou de Toulouse. Il venait, il s'asseyait de l'autre côté, et quand il avait dit un mot de passe, là la première fois c'était une histoire de train, qu'il avait dit le mot de passe, je mettais mon atlas sur les cahiers et mes autres livres, et lui échangeait cet atlas contre le même. Je ne l'ai jamais regardé, mon père m'avait dit « tu ne regardes jamais la personne qui est à côté de toi, tu ne bouges jamais la tête, tu bouges que les yeux ». Ce que je faisais, je regardais en douce ce qui se passait, puis quand il avait changé l'atlas contre un autre, c'était alors, il emportait un document, il m'en a ramené un autre. Et vous, après, vous faisiez cela, Josette Thorand, à cet âge de 12 ans. Dans ce moment-là, quand on est enfant, bien sûr, on a des camarades de classe, on aime bien raconter. Donc, votre père, bien sûr, était au courant de vos activités de résistante. Qui d'autre? Est-ce que vous l'avez confié à quelqu'un à ce moment-là? Personne. Mon père m'avait dit, c'est très secret, tu ne dois en parler à personne, toi et moi. Donc, je n'ai parlé à personne, même pas à ma mère. Mon père m'avait dit qu'elle était dans la résistance, mais pas dans le même réseau. Remarquez que si elle avait été dans le même réseau, il ne m'aurait jamais impliqué. Mais elle n'était pas dans le même réseau. Il me l'avait dit, mais il n'avait pas dit à ma mère que j'étais l'agent de liaison de mon père. Ma mère ne l'a jamais su pendant la résistance. Ce n'est pas tous les jours, évidemment, ces actes de résistance. Il y a deux vies, en fait. Il y a la vie de résistance à des moments très particuliers et intenses. Et puis le reste du temps, c'est une vie normale de petite fille dans ce moment particulier de l'occupation. Oui, totalement. Je participais à tout dans le quartier, parce que on habitait Saint-Acisque, mais avant les quartiers, c'était comme des petits villages, on se connaissait tous. Je participais à tout, justement, pour pas qu'on se demande pourquoi je me tenais à l'écart. Donc, je participais à la vie du quartier et tout. J'avais une camarade, ma meilleure camarade, qui n'a jamais su que j'étais dans la résistance. Elle vous voyait partir, elle le savait. Elle vous voyait avec. C'était à quel moment en fait que ça se passait? Vous alliez dans le petit square comme ça quand on va prendre un goûter? Oui, avant en principe c'était d'abord à l'heure, disons aux heures où les trains arrivaient, mais c'était des trains qui arrivaient avant que j'aille à l'école ou alors en partant. C'est arrivé mais peu de fois en sortant de l'école. C'était surtout avant de rentrer en classe. Josette Torrent, je vous imagine assise sur ce banc, vous attendez que le train arrive, que la personne doive s'asseoir à côté du banc, et puis vous aviez une émotion à ce moment-là. Est-ce que c'était quelque chose dont vous vous souvenez encore, une peur, une crainte? Oh non, une seule fois j'ai fait une bêtise. J'ai fait une bêtise, j'étais sur le banc avec... La personne, il n'avait pas encore changé l'atlas, et j'ai vu arriver deux Allemands. Deux Allemands qui entraient dans le jardin. Alors là, j'ai pas été tranquille, parce que ces Allemands, je me demandais s'ils venaient pour nous ou quoi. Alors j'ai pris tous mes livres et mes cahiers, parce que je venais de voir que les atlas avaient été changés. Donc j'ai pris tous mes livres et mes cahiers, et je me suis... parti en courant comme si j'étais en retard pour aller à l'école, et je suis tombée devant les Allemands. J'ai fait exprès de tomber. Je suis tombée, bon, ils m'ont pas relevé, hein, ils m'ont pas tapé dessus non plus. Mais enfin, je suis tombée là, et j'ai fait du cinéma, j'ai pleuré, tout, et puis en étant par terre, j'ai regardé, j'ai vu que le banc était vide, donc celui qui était là était parti. Ici. Alors, je me suis relevée en pleurant, vraiment, et je suis partie à l'école. Mon père l'a su. Je me suis jamais posé la question comment mon père l'avait su. Mon père m'a grondé le soir. Oh là là. J'en ai pris pour mon grade. Il vous a dit quoi? Parce que j'avais fait une bêtise. La bêtise, c'était une petite bêtise, mais les conséquences étaient énormes. C'est sans doute cela aussi qui est important dans l'acte de résistance. Aviez-vous la conscience des risques que vous preniez pour votre père? C'est la même chose. Est-ce qu'il y avait cette conscience-là? Oui, parce que mon père m'expliquait tout. Et puis, comme quand il m'envoyait faire une mission, il était serein et calme, j'ai jamais eu peur. Et maintenant, je sais que quand mon père m'envoyait faire une mission, j'avais toujours des anges gardiens, donc des gardes de mon père qui veillaient sur moi chaque fois que j'étais quelque part. Mais ça, je ne le savais pas, je ne m'en suis jamais aperçue. Je l'ai su après la guerre. Vous l'avez su comment, après la guerre? Eh bien, des camarades de mon père qui m'ont raconté qu'ils étaient là pour veiller sur moi. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Ah, on ne sait jamais ce qui peut arriver dans ce moment très particulier de l'occupation. Avec, et il faut le rappeler, hein, combien les enfants sont victimes des combats, mais vraiment victimes simplement parce qu'ils sont présents dans un moment particulier. Vous l'avez évoqué, Josette Torrent, il y a les bombardements, il y a la peur, il y a voir passer dans la rue des Allemands. Et puis, pour certains, pour certaines, cet acte de résistance que l'on retrouve dès 1944, évoqué sur la BBC dans les mission française. La personne qui vous parle est agrégée de l'université, professeure d'histoire et directrice d'un grand lycée de jeunes filles dans le nord de la France. Elle est très récemment arrivée en Angleterre et apporte à Londres le témoignage des souffrances et des espoirs des enfants et des universitaires français. L'esprit des enfants est obsédé par les spectacles de la rue. Lourds poteaux indicateurs chargés d'interminables mots allemands, bannières à croix gammées, larges comme des façades profanant nos édifices. Musique militaire teutonne installée sur les kiosques de nos places publiques. Chants hitlériens rythmant la marche des Prussiens le long de nos grands boulevards. Et partout, et toujours l'uniforme vert, vert, comme des cadavres de cauchemars. La haine est entrée dans le cœur des très petits. C'est en 1944 que la BBC diffuse cette émission réalisée par l'équipe française de la BBC, donc à Londres, qui évoque la jeunesse pendant l'occupation et la jeunesse résistante. Alors c'est François Broche, ce moment là aussi qui nous intéresse, il y a l'engagement dans la résistance avec une temporalité. C'est pas la même chose de s'engager dès le début, au milieu ou à la fin. Quand vous avez étudié ces portraits de jeunes résistants, ils n'avaient pas 20 ans, il y a des parcours en fait complètement différents. Il n'y a pas un portrait type. Il n'y a pas un portrait type, vous avez raison. Il n'y a pas une typologie de l'engagement dans la résistance. Nous avons eu le témoignage de Madame Torrent, qui est une aventure personnelle. Je crois que chaque engagement est particulier. Alors, par exemple, je prends un exemple un peu pittoresque, disons, celui de Madeleine Riffaut, qui est une jeune fille de 16 ans qui attend le train sur le quai de la gare d'Amiens et qui est mignonne et qui commence à être importunée par un groupe de soldats allemands. Jusqu'à ce qu'un officier arrive, disperse les Allemands, mais également se retourne contre elle et lui envoie un formidable coup de pied dans les fesses qui va l'envoyer par terre. Et elle se relève, et dès ce moment-là, elle devient résistante, et elle dira par la suite, il ne faut surtout pas humilier les gens que l'on a vaincus, parce que c'est comme ça que vous faites des résistants. Et elle dira par la suite, avec l'humour qui lui est particulier, c'est d'un coup de pied au cul pour les Allemands que le reste a suivi. Donc alors, ça, c'est un parcours spécial. Sinon... les réactions sont d'ordre patriotique. Il y a une réaction que je qualifierais de viscérale. Le spectacle des Allemands dans les rues de Paris est insupportable. En dehors de toute analyse politique, Germaine Tillon rentre d'une mission ethnologique en Algérie. Elle circule dans le quartier du Trocadéro et elle rencontre un officier allemand. C'est un choc effroyable pour elle. Elle rentre chez elle, elle va vomir chez elle. C'est une réaction viscérale, instinctive. C'est insupportable. On ne supporte pas la défaite, on ne supporte pas l'occupation. Et donc, il faut faire quelque chose. Faire quelque chose, c'est le grand mot de tous ces jeunes, y compris, comme dit Colette Marin-Catherine, oui, des actions de fourmis. Par exemple, fleurir des tombes de résistants fusillés, tracer des croix de Lorraine, des V avec la croix de Lorraine sur les murs, c'est le début de la résistance. Oui, parce que c'est vraiment cela, hein, cet acte de résistance. Vous le dites, François Broche, il y a ce côté insupportable de voir des Allemands en France. Il faut rappeler quand même que ce sont des générations qui ont encore la Première Guerre mondiale présente dans la tête, et pourquoi pas encore celle de 1870 transmise par les parents. L'Allemand, c'est l'ennemi. Il n'y a pas obligatoirement dans l'acte de résistance une idéologie, quelque chose de politique. C'est ça qui est très fort, c'est que la résistance est plurielle. Il y a également un facteur important qui joue, c'est le goût de l'aventure. La recherche de l'aventure, qui joue pour les Tahitiens, par exemple, que j'ai interviewé, allant les voir sur place, à Tahiti, c'était des gens enfermés dans une île, des navigateurs millénaires, mais qui en même temps avaient ce goût de l'aventure qui les projetait en dehors de leur île. Donc ils ont suivi les événements de juin 40, avec intérêt, mais ce qui les poussait, c'est... Bien sûr, le désir, enfin, en tout cas, ceux qui me l'ont raconté par la suite, le désir d'aller au secours de la mère patrie, mais c'est surtout le désir de quitter le territoire, le Fénois, le territoire natal, et d'aller au secours de la France, parce que c'était une grande aventure. Le mot aventure revient souvent dans les témoignages des jeunes résistants. Et parfois, l'aventure commence juste avec une craie pour faire un V sur un mur. Il ne faut pas désespérer, on les aura. Il ne faut pas vous arrêter de résister. N'oubliez pas la lettre V. Écrivez-la, chantonnez-la, V, V, V, V. Sur les murets, sur les pavés, faites des V. Mais vous pouvez faire en DV les oriflammes et sans remords. et sans danger. Vous sifflerez, vous chanterez. Vé. La chanson d'Evé diffusée sur les ondes de Radio Londres, évidemment, c'est la 5e symphonie de Beethoven détournée. Josette Torrent, ce côté insupportable de voir les Allemands, vous le ressentiez, vous, de voir des uniformes verts dans la rue? Vous aviez ce sentiment? Oui, c'est sûr. Je ne supportais pas ça. Hein. C'était... C'est pas ce que j'aurais pu faire. Ben, vous l'avez fait. Alors là, vous l'avez fait. Oui, on l'a fait. Mais non, mais c'est très important parce qu'il y a cet engagement. Est-ce que, en revanche, et sans parler de vos actes de résistance, avec vos camarades de classe, vous échangiez sur ce qui se passait autour de vous, justement, sur ce côté insupportable des Allemands? Non, parce qu'à Perpignan, c'était pas du tout comme à Saint-Malo. À Saint-Malo, les Allemands étaient partout, ils étaient là, ils étaient en armes, et ils nous importunaient, c'était pas croyable. Tandis qu'à Perpignan, c'était pas la même chose. Quand ils sont entrés dans Perpignan, je me suis même pas aperçu qu'ils entraient dans Perpignan, ils étaient là, et puis voilà. Tandis que dans Saint-Malo, je l'ai très mal vécu, peut-être parce qu'il y avait la guerre avant qu'ils entrent, et que ma mère était partie comme bénévole à l'hôpital de Saint-Malo pour soigner les blessés, parce qu'il y a eu beaucoup de blessés, avant qu'ils entrent dans Saint-Malo. Mais ici, c'était pas la même chose. Les Allemands étaient là, et ils étaient là. Je voudrais qu'on évoque la figure de votre mère, parce que bien souvent, quand on parle de votre histoire, Josette Torrent, il y a cette figure paternelle magnifique. Le rôle de votre mère est très important aussi. Alors, était-elle au courant que vous étiez agent de liaison? Elle le savait un petit peu? Non, pas du tout. Absolument pas. Elle ne le savait pas. Elle ne l'a su que lorsque mon père a été arrêté et que je le lui ai dit. Sinon, elle ne le savait pas. L'arrestation de votre père, c'est l'évidence du danger de l'acte de résistance. L'arrestation reste un moment obligatoirement douloureux. Est-ce que vous, en tant qu'individu, Josette Torrent, ça vous a rappelé à ce que vous étiez en train de faire au même moment, c'est-à-dire que vous êtes aussi dans un réseau de résistance. Donc les dangers sont là, clairement, et votre père est arrêté. Oui, mon père a été arrêté parce qu'il a été dénoncé par quelqu'un qui... Vous savez, on dénonçait les gens pour rien, hein. Pour avoir de la nourriture, pour avoir un porte-pain. Enfin, mon père a été dénoncé. Le jour où il a été arrêté, la directrice de l'école m'a appelé dans son bureau pour me dire « Ma petite fille, votre père a été arrêté, vous devez rentrer à la maison tout de suite. » Je ne me suis pas posé de questions. Je dis « Pourquoi la directrice ?» Pourquoi je ne me suis pas posé de questions. Je suis allée faire immédiatement ce que mon père m'avait dit. Il m'avait dit « S'il m'arrive quelque chose, d'abord, il m'avait dit, tu t'occupes de ta mère et de ta sœur. C'est ce que j'ai fait toute ma vie. Mais il m'avait dit, il m'avait fait voir une maison. Et il m'avait dit, tu vas dans cette maison, avec ton vélo dégonflé. Tu sonnes et la personne qui t'ouvrira, tu diras, est-ce que vous avez une pompe? Papa n'est pas là pour m'arranger la bicyclette. Donc, je sais maintenant que c'était ce qu'il fallait dire pour, c'était un membre du réseau de mon père, chez qui je suis allée, j'en savais rien, hein. Et qui a averti tout le réseau, aucun n'a été arrêté. Il n'y a eu que mon père qui n'a pas parlé, mais il n'y a que lui qui a été arrêté. Puis il m'avait dit, et après tu vas à la maison et tu brûles tout. Parce que tous les documents, les codes, tout ce que nous avions à la maison, je les avais mis dans les roseaux qui tenaient les tomates dans le jardin. Bon, les roseaux, c'est creux. Mon père avait passé un truc en fer là dans le roseau pour couper les trucs qu'il y avait entre, et j'avais tout caché là. Alors donc, il m'avait dit, tu brûles tout, j'ai brûlé tout ce qu'il y avait dans les roseaux, sauf l'atlas qui était avec moi et que je n'ai pas voulu brûler, parce que mon père avait fait un dessin dessus, il y avait un drapeau français avec la croix de Lorraine, et j'ai pas eu le courage de le brûler, c'est la seule chose que j'ai gardée, c'est pour ça que je peux maintenant le faire voir. Josette Torrent, vous n'étiez pas seulement agent de liaison de votre père. Je vous écoute et vous saviez où étaient cachés ces documents. Vous les aviez en main parfois, ces documents. Vous aidiez votre père. J'imagine que tout était codé. Oui, oui, mais il m'avait appris à coder, décoder. Et tous les documents qu'on avait, si je les mettais dans les roseaux, je ne les ai jamais regardés. Je ne devais pas, je ne l'ai pas fait. Mais vous saviez décoder ? Oui, ça, il y avait certains messages qu'il fallait faire passer, mais c'était des messages, disons, maintenant simples. C'était pas... Oui, c'était le message qui est nécessaire et que vous pouviez voir avec ce système. Bah, vous aviez le code et vous décodez pour rapidement le déchiffrer, le cacher dans ce bambou qui sert de tuteur au rosier. On entend bien ici, François Broche, que ces actes de résistance sont de tout type. Et on l'a dit, hein, l'acte de résistance, il est motivé par plein de raisons différentes, selon l'origine, selon le moment. Et l'acte lui-même est très différent. Ça peut être juste transporter une lettre, et pour certains, ça peut aller beaucoup plus loin. Je crois qu'à partir du moment où on a décidé de résister, on a mis le doigt dans un engrenage. Le reste va y passer, et ça va forcément se terminer par des sabotages et des exécutions d'Allemands. C'est une question de degré. Mais l'exécution d'un officier allemand est un acte patriotique au même titre que tracer une croix de Lorraine sur un mur. Oui, c'est ça, c'est vraiment agir. Et c'est il n'y a aucun problème de conscience, aucun scrupule ne vaut devant cette évidence. Il faut tout faire pour chasser l'Allemand. Parce que nous sommes dans un moment exceptionnel, celui de la guerre, où il n'y a plus la logique du temps, il n'y a plus la logique de la quotidienneté, de la routine. Tout est voué pour une réussite, celle de la résistance et chasser les Allemands, vaincre les Allemands. Et on voit bien, chez tous ces gamins, ils n'avaient pas 20 ans, la révolte des jeunes, c'est cette double vie, j'ai envie de dire, une vie d'apparence qui pourrait être normale, et puis cette autre vie qui n'a qu'un seul but, c'est la victoire. Alors on parlait du goût de l'aventure tout à l'heure, il y a également une notion, quand on relit le parcours de ces jeunes, il y a un facteur qui est encore plus mystérieux, si on peut dire, c'est le bonheur. Paul-Marie de Lagorce, ce journaliste Paul-Marie de Lagorce, qui est entré en résistance à 16 ans, parle de l'étrange bonheur de faire ce qu'au plus profond de soi, on a décidé. Dans les dernières lettres des fusillés, souvent, figure la formule « je meurs heureux » ou bien « soyez heureux ». Brigitte Friang, également jeune résistante, engagée à 16 ans, évoque même la gaieté enfantine de ses camarades. Cette notion de bonheur, effectivement, maintenant, nous apparaît mystérieuse, inexplicable. Elle s'insère dans une période dont la logique échappe à l'historien. Avec des écrits laissés par ces jeunes, par ces résistants. Et bien sûr, il est tout de suite question d'une lettre, une lettre qui fait sans cesse vibrer d'un personnage. Ce personnage, c'est Guy Moquet. Guy Moquet, mort pour la France à l'âge de 17 ans. Guy Moquet, l'un des fusillés de Châteaubriant. C'est son souvenir que nous célébrons aujourd'hui au lycée Carnot, et avec lui, le souvenir de tous les lycéens tombés au cours de ces 4 années sous les balles allemandes. Guy Moquet, à l'âge où l'on n'est encore qu'un enfant, à l'âge où si l'on est pris par l'étude, on l'est encore par le jeu, Guy Moquet, à cet âge, était déjà un martyr et un héros. Victime de la barbarie nazie, livré à elle par les hommes d'un gouvernement qui se prétendait français, et qui, suivant l'exemple de son chef, n'était que traître, Guy Moquet avait tracé à ses camarades de la résistance une voie à suivre. Il l'avait éclairé de toute la flamme de sa jeunesse qui n'avait pas fléchi. La voie a été suivie. Guy Moquet, lors d'une cérémonie, donc à la mémoire de Guy Moquet, on est en octobre 1944, donc c'est encore cette mémoire extrêmement forte, extrêmement vive, ma petite maman chérie, mon tout petit frère adoré, mon petit papa aimé, je vais mourir. C'est ce paradoxe sans cesse entre la jeunesse et l'engagement, entre la peur, le danger et l'horreur de l'exécution, et puis ce bonheur que vous venez d'évoquer, François Broche. Dites-nous, Josette Torrent, est-ce que vous étiez heureuse d'être à ce moment-là, résistante. Est-ce qu'il y avait quelque chose votre père vous a demandé de l'aider, vous l'aidiez. Est-ce que vous pourriez associer tout cela au mot bonheur ? Oui, bien sûr. Bien sûr, j'étais contente de ce que je faisais. Et même, mon père m'aurait demandé n'importe quoi, je crois que je l'aurais fait. Mais vous saviez que ce que vous faisiez... Parce que c'était mon devoir, je dis toujours, j'ai fait mon devoir. Vous avez fait votre devoir ben, parce que il y avait un amour évident entre votre père et vous, et vous le respectiez, il vous demandait quelque chose, vous le faisiez, mais aussi parce que cela correspondait à votre ressenti, à cette insupportable présence des Allemands et des nazis. C'est aussi pour ça qu'on peut parler de bonheur. Il n'y avait pas de contradiction dans votre action. Ce n'est pas juste vous obéissiez à votre père. Non, non, non, non. Je voulais fiche les Allemands dehors, c'était tout. Et puis, je crois que si j'avais été arrêtée et même fusillée, j'y serais allée. Tout simplement, avec cette voix très claire que vous avez, Josette Torrent, quand vous dites ces mots extrêmement forts, François Broche, c'est ça aussi, ces jeunes qui entrent en résistance, c'est la conscience de ce qui peut arriver, et c'est peut-être aussi un peu de l'aventure de cette histoire-là. On parle souvent d'une insouciance de la jeunesse. Est-ce que vous les trouvez insouciants? Au contraire, moi j'ai l'impression qu'ils sont très lucides. On pourrait estimer qu'il y a une part d'inconscience, qui ne mesure pas tout à fait les risques qu'ils courent. En fait, je ne pense pas que ce soit une bonne analyse. C'est un mélange à la fois de courage, un courage absolu, qui risque de les conduire au poteau d'exécution ou au camp de concentration. Un mélange d'inconscience devant le risque, en tout cas de refus d'assumer le risque. Odile de Vasselot, qui est agent du réseau Comet, dit que le danger est quelque chose d'abstrait et qu'il n'y pense pas. Simone Séguin, qui est morte il y a quelques mois, dit que on ne pensait pas au danger. Ça n'entrait pas dans les préoccupations quotidiennes. Il fallait faire ce qu'on devait faire et c'est tout. Et c'était comme ça. C'est effectivement quelque chose de très mystérieux à comprendre pour nous. Dans une société tout à fait différente où tous les risques sont pris en compte et on essaie de les éviter. Oui, tout est mesuré, avec également la nécessité de replacer ces jeunes dans la guerre dans une lecture beaucoup plus large de ce qui se passe, de l'engagement. François Broche, vous êtes spécialiste de la Seconde Guerre mondiale, vous êtes l'administrateur de la Fondation de la France Libre, président d'honneur de l'Association des familles de compagnons de la Libération. Il y en avait d'autres qui, eux, ont fait le choix de la collaboration. C'est aussi cela, évoquer les jeunes dans la résistance. C'est un choix particulier au moment où d'autres faisaient un autre choix. Cette scission que l'on connaît bien, et on sait qu'elle est trompeuse entre résistants et collaborateurs, avec cette masse d'attentistes, en fait, c'est la même chose qu'on retrouve chez les jeunes. C'était un effet miroir. Oui, des deux côtés, les jeunes se sont lancés dans l'action. Simplement, certains ont fait un mauvais choix. Il y a une trajectoire qui est quand même assez étonnante et symptomatique. Le fils de Simon Sabiani, qui était une grande personnalité politique et du milieu marseillais, qui était une personnalité du Parti populaire français de Doriot, donc ultra de la collaboration. Il a un fils qui ne partage pas les idées de son père et qui veut passer en Angleterre pour s'engager dans les forces françaises libres. Et il se sauve et son père le fait rattraper in extremis et ce fils va finir dans la Légion des volontaires français sur le front de l'Est. Il va être tué sur le front de l'Est. Et on voit bien d'ailleurs que pour ce moment-là, il y a la force de la propagande, alors celle qui vient de l'État français, hein, du côté de Pétain. Et puis toutes ces organisations, enfin, il y a tout de mise en place pour la jeunesse, pour éviter justement qu'il y ait des jeunes résistants. Attention, documents de propagande. Les patriotes du Maquis, ceux-là même à qui M. Louis Marin vient de dédier les témoignages d'admiration que j'ai cités à midi, sont en train d'opérer à travers certains départements français une mobilisation des jeunes par voie de réquisition brutale. Jusqu'ici, en effet, les jeunes qui se laissaient aller à suivre les conseils perfides des maquisards et devenir réfractaires étaient en somme des volontés. Mais le recrutement ne rend plus. Et si l'opération entreprise aujourd'hui établit que les racoleurs sont souvent les plus forts étant donné qu'ils sont armés et usent de leurs armes au moindre signe de protestation des intéressés, elle établit aussi que la résistance ne peut plus se recruter que par la menace et la violence. En mai 1944, un éditorial de Philippe Henriot, donc grande voix française de la propagande, François Broche, dans l'acte de résistance et dans l'engagement chez ces jeunes, il y a l'aspect individuel, et c'est le cas de Josette Torrent, il y a des effets de groupe. C'est-à-dire que certains s'engagent en groupe de jeunes dans la résistance. Oui, alors c'est le cas du premier acte de résistance, le 11 novembre 1940. Les étudiants et les lycéens de Paris se réunissent pour une marche vers l'Arc de Triomphe pour fleurir la tombe du soldat inconnu, malgré l'interdiction officielle. C'est un premier acte de résistance qui sera d'ailleurs mis en valeur par la radio de Londres et qui est réprimé assez sévèrement. Oui, bah oui, parce que là, on a quelque chose de public, de visible. Voilà, c'est l'un de ces étudiants du 11 novembre 1940, Pierre Lefranc, disait qu'il ne supportait pas l'idée de la défaite et que donc il fallait faire quelque chose. Ouais. Voilà. Et alors, vous avez d'autres exemples de groupes, par exemple, c'est cinq jeunes gens qui traversent la Manche en canoë, qui trouvent un canoë abandonné, qui le remettent en état, qui s'embarquent avec des provisions, du sucre, de l'eau, quelques nourritures, et qui se lancent alors qu'ils n'ont pratiquement aucune chance d'arriver au bout. Ils arrivent au bout, ils ne sont pas repérés par les sous-marins allemands, et ils sont reçus, c'est la photo qui figure en couverture de mon livre, ils sont reçus à Downing Street par Churchill et Lady Clementine, qui fait un grand discours pour faire leur éloge. Quoi. Et il y aura un film qui sera tourné également, un film documentaire qui sera tourné à leur gloire. Donc vous avez ces exploits de groupe, les cinq martyrs du lycée Buffon également, se lancent dans la résistance par des sabotages, par des pillages de magasins. Et ils sont fusillés tous les cinq en 1943 au polygone de Ballard. Et vous avez bien sûr les Tahitiens qui vont s'engager dans le bataillon du Pacifique et qui vont participer à toutes les grandes heures de la division française libre, à commencer par la bataille de Bir Hakeim. Ah, cette photographie que vous avez placé en couverture de votre livre, Il n'avait pas 20 ans, la révolte des jeunes 1940-1944, François Broche, c'est Churchill et son épouse qui reçoivent au 10 Downing Street ces cinq jeunes. Certains sont en Bermuda. Enfin, c'est cette image de la jeunesse telle qu'on la conçoit dans ces années 1940, avec toute cette réflexion, mais c'est de l'histoire qui est postérieure, une construction. Josette Torrent, il y a le moment où vous avez été résistante. Et puis il y a le après. Il y a la guerre qui se termine, la vie qui reprend. À quel moment dans votre parcours, et j'ose dire votre âge, vous avez 93 ans, vous vous êtes rendu compte que vous avez été résistante? Ou alors est-ce que ça a toujours été une évidence? Bon, ça a toujours été une évidence. Mais sans gloire particulière. J'ai résisté. Je me rends compte maintenant, à mon âge, que j'ai vécu toute ma vie. Excusez-moi, je voudrais intervenir. Pardon, continuez. Que j'ai vécu toute ma vie comme si j'avais été dans la résistance. D'abord, j'ai eu le déni de la mort de mon père. Je ne pouvais pas supporter, accepter qu'il soit mort. Pour moi, c'était pas possible. Donc je suis restée dans le déni des dizaines d'années. Et puis, je me rends compte que j'ai vécu comme j'ai vécu dans la résistance, c'est-à-dire ne rien dire, ne pas se faire voir. Je n'ai jamais raconté à qui que ce soit ce qui se passait chez moi, tout ce que je faisais, je n'ai jamais rien raconté à personne. C'est après que vous l'avez raconté. Toujours resté, comme si, je me rends compte maintenant, comme si j'étais toujours dans la résistance. Avec cette nécessité de transmission que vous portez, Josette Torrent, et que vous portez accompagnée d'Olivier Montaigu et de Johanna Cincinnatis. Bonjour Johanna Cincinnatis. Bonjour Xavier. Alors dites-nous, comment avez-vous travaillé avec Josette Torrent pour ce livre « J'avais 12 ans et j'étais résistante » Et d'ailleurs, avant tout, d'ailleurs, pourquoi la nécessité de ce livre, de raconter cette histoire-là? Elle n'était pas racontée encore? Je pense qu'il y a une partie de l'histoire, on le sait, qu'importe les domaines, qui a consisté à effacer systématiquement certaines actrices, certains acteurs, et en particulier les femmes. Et c'est d'autant plus vrai pour la résistance, parce qu'elles ont eu des rôles d'agentes de liaison, d'agentes du renseignement, qu'elles travaillaient dans l'ombre, et en plus, en second plan, de ceux qui étaient sur le front, si on veut. Donc pour nous, ça a été un peu, c'est un projet qui a découlé d'abord d'une série audio, qui était consacrée à raconter les femmes effacées dans la région du Sud-Ouest, et la résistance est un champ en fait historique qui a marqué le Sud-Ouest parce que c'était une plaque tournante et il y a eu énormément de femmes, Lucie Aubrac notamment, Josette avec qui on a travaillé, qui ont eu un rôle indéniable et pour nous c'était une façon aussi de repolitiser le rôle de ces femmes et de dire la résistance a aussi porté des noms féminins et les donner c'est une façon de laisser un souvenir mais aussi de créer des modèles en fait. François Broche acquiesce en vous écoutant, Johanna Cincinnatis. Non, mais c'est vrai que c'est très important de souligner cela aussi. Un compagnon de la libération, c'est masculin, ça couvre... Eh oui, hélas, il n'y a que 6 femmes compagnons de la libération, mais si, il faut replacer la décision de reconnaître les résistants comme des compagnons dans son époque. Comme on vient de le rappeler, les femmes sont restées dans l'ombre. Elles avaient des tâches qui étaient capitales, non seulement de secrétariat, d'hébergement. Elles étaient également engagées dans des filières d'évasion. Certaines dirigeaient même des réseaux, comme Marie-Madeleine Fourcade, par exemple. C'est effectivement une tendance assez récente que de restituer aux femmes la place et le rôle qu'elles ont eu. Sans les femmes, la résistance ne s'est pas déroulée de la même manière, c'est certain. Et on ne peut que déplorer qu'à l'époque, on ne les ait pas mises suffisamment en avant. Mais je crois que grâce à ces témoignages, celui de Madame Torrent, et puis les travaux d'historiens, qui sont surtout des historiennes, on peut évaluer plus justement le rôle des femmes. Je voulais faire une remarque à propos de ce que vous disiez tout à l'heure sur le après, comment en parler après. C'est Jeannine Maurice qui était une étudiante aux Beaux-Arts de Toulouse et qui est devenue une agente d'un réseau britannique qui s'est posé la question après la guerre. Elle n'en parlait pas, c'était un phénomène général. Toutes ces femmes ne voulaient pas en parler. Et en fait, Jeannine Maurice pose très bien le dilemme. Si on en parle, on prend le risque de banaliser ce qui s'est passé. Et si on n'en parle pas, on prend le risque de l'oubli. Donc finalement, Jeannine Maurice s'est décidée à en parler, mais après une longue réflexion. Et c'est le cas de Madame Torrent également, qui s'est fort heureusement décidée à en parler. Johanna Cincinnatis, comment se sont passés les échanges avec Josette Torrent? Parce que ce n'est pas tout la volonté de raconter cette histoire-là et la nécessité même de la raconter. Bon, après, faut récolter le témoignage, mais il n'y a pas que le témoignage pour réfléchir à un moment. On sait bien que le souvenir est toujours fragile pour n'importe qui. Se souvenir du détail, c'est très difficile. Vous avez travaillé comment avec Olivier Montaigu? On a pris du temps, en fait. Je pense que vraiment la clé, c'était de prendre le temps qu'il fallait pour que Josette livre un témoignage qu'elle avait souvent, qu'elle a beaucoup gardé secret, en fait. Déjà, avant qu'on se mette à travailler sur le livre, Josette passait dans les lycées, les collèges, elle racontait son histoire. Elle le faisait auprès des jeunes parce que ça avait une signification pour elle, celle de transmettre des valeurs comme la liberté et l'engagement. Mais donc, nous, on savait qu'on arrivait aussi sur un terrain miné, si je peux me permettre l'expression, et qu'il fallait y aller prudemment. Donc, on l'a laissé vraiment donner le rythme et le ton. Il y a des endroits du témoignage mariage et de la vie de Josette où on a décidé de pas aller à moins d'avoir sa permission. Donc on a un peu mis notre casquette de journaliste de côté et on a essayé de se placer plutôt en confident, de recueillir un récit qui était fragile, le deuil, le silence, la rancœur encore ou la colère, et ensuite d'aller petit à petit creuser sur des éléments plus sensibles, à savoir le trauma, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Et je voulais aussi rebondir sur ce qui avait été dit plus tôt, sur la question du témoignage de manière générale pour ces femmes, c'est que on a observé avec Olivier Montaigu, mon co-auteur, un vrai défaut de légitimité dont je pense qu'il est typiquement féminin, c'est-à-dire je n'ai rien fait, je n'ai pas été une héroïne, j'ai fait mon devoir, bien sûr, mais il y a des gens aussi qui ne l'ont pas fait. Donc replacer ces témoignages dans un contexte, ça veut dire aussi marquer, soutenir le courage et leur engagement, mais aussi pousser ces femmes qui ont œuvré pour le pays tel qu'il est aujourd'hui, pousser ces femmes à s'engager et à produire une parole et un discours qui ensuite qui est transmis et qui est commémoré et dont on se souvient et dont on fait quelque chose. C'était oui. Ça le livre en fait. Mais ça, c'est plusieurs lectures, c'est l'engagement, la jeunesse, une histoire aussi genrée bien entendu. Josette Torrent, quand vous allez auprès des plus jeunes, et ça fait maintenant un moment que vous racontez cette histoire-là, quelles sont les réactions? Est-ce que l'étonnement, c'est surtout je suis une jeune fille qui a fait ça, jeune fille, ou simplement avoir fait ça, ou alors que vous avez une réaction juste un peu fascinée quand vous racontez votre histoire? Oui, les jeunes sont très demandeurs, et j'ai toujours été, disons, bien accueillie. Quand je racontais certaines choses, je leur disais, on pouvait pas faire ci, on pouvait pas faire ça, alors ils me disaient, mais avec le portable, c'est facile. Et je leur disais, mais ça n'existait pas. Alors, beaucoup n'arrivent pas à comprendre que ça n'existait pas à mon époque. Les portables, les ordinateurs, tout ça, ça n'existait pas. Et ça les... Ils étaient tous ahuris que... Ils se demandaient à quelle époque je vivais. C'était très facile avec les jeunes. C'était les années 1940, mais c'est très important ce que vous venez de dire, Josette Torrent, parce que ce n'est pas tout, expliquer l'acte de résistance, il faut le replacer dans ce moment-là, dans ce contexte-là, beaucoup plus particulier. Ah bah oui, il n'y avait pas de portable, mais il y avait vous qui dissimulait ces courriers dans un atlas que vous échangiez contre un... Notre atlas absolument identique, mais vide pour la suite de la correspondance. Est-ce que l'âge est quelque chose qui revient sans cesse? On vous dit, mais 12 ans, c'était beaucoup trop jeune. Comment votre père a pu vous laisser faire ça, etc. Est-ce que ça, vous l'entendez en réaction? Non, parce que je leur explique d'abord que mon père m'a élevé comme un garçon. J'allais avec lui à la pêche, partout, au sport, enfin tout. Je me rends compte qu'il m'a élevé vraiment comme un garçon. Et il m'a modelé à son image, c'est ce que je pense. C'est une belle image. Oui, bien sûr. Il m'a forgé un caractère très fort et merci papa. Hein. Johanna Cincinnatis l'a évoqué, la disparition de votre père, son arrestation, la déportation... L'annonce qui n'est pas faite de sa disparition, de sa mort, est quelque chose, Josette Torrent, qui vous a habité pendant longtemps. On sait bien que les gens sont toujours présents quand on pense à eux et vous pensez beaucoup à lui. Cet héritage-là, celui que vous transmettez, c'est le vôtre, Josette Torrent. C'est aussi le sien, j'ai l'impression, non? C'est d'abord le sien, parce que moi, je dirais... Disons, c'était d'abord lui, moi je l'aidais, c'est tout, hein, c'est ce que je pense. Mais c'était pour lui, tout ce que j'ai fait, c'était pour lui. Johanna Cincinnatis, dans cette démarche que vous avez avec Olivier Montaigu, en laissant la parole à Josette Torrent, j'avais 12 ans et j'étais résistante, on sent que la transmission, juste rappeler ce que certaines ont pu faire, c'est la base en fait de la démarche. Ouais, il y a eu vraiment un passage de témoin, presque au sens littéral, et on s'est senti très privilégié avec Olivier d'aller pendant un an, presque toutes les deux semaines chez Josette, de l'appeler, de passer 3-4 heures au téléphone et de recueillir son témoignage comme un petit cadeau très précieux, capable de casser à tout moment et dont il faut vraiment prendre soin. Parce que l'enjeu, c'était aussi que ce récit lui appartienne et que ce récit lui ressemble et aussi qu'il nous inspire et nous fasse aussi nous poser des questions. Je pense que c'est ça aussi la transmission. Qu'est-ce qu'on aurait fait à son âge si on avait eu des parents qui nous avaient enrôlés dans la résistance? Est-ce qu'on se serait posé les mêmes questions aujourd'hui, hier? Quels sont les risques? Quels ont été les risques que Michel a pris pour elle? La transmission pour Olivier et moi, c'était aussi s'imprégner du récit de Josette, aussi d'un point de vue personnel, et se dire waouh, et nous dans tout ça, si on pouvait juste un tout petit peu marcher dans ses pas ou s'inspirer de ses valeurs, je pense que ce serait déjà bien. François Broche, c'est un peu cette démarche-là qui est la vôtre aussi, avec ces deux aspects, c'est-à-dire une mémoire collective, celle des Compagnons de la Libération, et j'ai évoqué combien, en tant que président d'honneur de l'Association des familles de Compagnons de la Libération, il y a cette transmission. Et puis après, il y a la transmission individuelle. Je voudrais évoquer votre père. Vous êtes le fils du colonel Félix Broche, qui a été tué en 1942. Nous sommes ici avec ses combattants, ses Birakeim. Rien que le nom, ça évoque quelque chose, mais les gens, parfois, savent Birakeim, c'est quoi exactement? C'est cette transmission aussi qu'il faut fournir, qu'il faut apporter. Il faut surtout rappeler les valeurs auxquelles on fait référence quand on évoque cette période, qui sont des valeurs intemporelles, qui ne sont pas liées à un contexte historique. C'est la lutte contre le renoncement, c'est le refus du renoncement. On fait quelque chose à chaque instant, à toutes les époques. C'est la grande leçon que laissait, par exemple, Henri Écochard, le résistant qui ouvre, dont le récit ouvre mon livre. C'est qu'il il s'est engagé en 1940. Il est passé en Angleterre en 1940, après l'appel. Et cet engagement dans la France libre a éclairé toute sa vie. Et jusqu'au bout, Henri Écochard est mort. Et ça a été une des premières victimes du Covid. Il est mort à 95 ans, je crois, en 2020. Mais jusqu'au bout, il s'est battu pour ses valeurs de solidarité, de fraternité. Il dit, je rapporte les propos qu'il me tenait, j'ai aimé aider les autres, j'ai aimé le tiers-monde, j'ai fait tout ce que j'ai pu pour aider tout le monde. Ce sont des valeurs qui étaient celles de la France libre et qui n'ont pas pris une ride. Et ces ouvrages d'histoire que nous écrivons tous servent à rendre plus vives ces valeurs, plus vivantes, et à montrer qu'elles n'ont rien perdu de leur actualité. D'ailleurs, tous ces parcours sont passionnants à analyser, car l'on voit qu'après la Seconde Guerre mondiale, l'engagement pour beaucoup continue. Alors, vous évoquez les luttes contre pour la décolonisation, des luttes de tout type, mais l'engagement continue. Je voudrais terminer avec vous, Josette Torrent, parce que nous l'avons évoqué, cet atlas qui vous permet de transmettre les lettres. Vous l'avez toujours, vous nous avez dit. C'est quoi pour vous cet atlas? Une pièce de musée, une relique, un attachement particulier à cette histoire, à votre père avec ce dessin? Oui, c'est le dernier souvenir que j'ai de mon père, donc je le garderai pour toujours. Cet atlas, c'est un peu aussi lui, ce héros de « J'avais 12 ans et j'étais résistante », ça passe sur une petite chose comme ça et qui nous conduit sur une histoire beaucoup plus large, une histoire d'amour filial, comme une évidence d'un enfant, d'une jeune fille pour son père et d'un père pour sa jeune fille. Et puis tous ces parcours qu'on a pu croiser avec vous, je rappelle les titres de ces ouvrages. François Broche, « Il n'avait pas 20 ans, la révolte des jeunes », c'est chez Talendier. Et merci vivement à vous, Josette Torrent, parce qu'avec Johanna Cincinnatis et Olivier Montaigu, il y a ce livre « J'avais 12 ans et j'étais résistante » chez Harper & Collins. Merci. À vous tous, à vous toutes. Il est temps dans le cours de l'histoire de poursuivre avec Gérard Noiriel. C'est le pourquoi du comment. Pourquoi faut-il réhabiliter la langue berbère dans l'histoire du Maghreb? les anciennes colonies françaises, qui sont devenues des États indépendants, ont fréquemment emprunté aux colonisateurs des arguments visant à légitimer, aux yeux du monde, leur nouvelle identité nationale. Dans les pays du Maghreb, par exemple, les manuels scolaires et les programmes de la télévision nationale véhiculent des récits mémoriels visant à renforcer le sentiment d'appartenance des citoyens à la nation en recourant à une vision univoque et tronquée de l'histoire. Ces discours officiels répètent inlassablement qu'après la conquête arabe du 7e siècle, les Berbères se seraient instantanément convertis à l'islam sunnite et que leur langue n'aurait jamais dépassé le stade oral propre aux usages locaux. Même les historiens ont longtemps admis, tacitement, que face à une langue arabe conquérante qui occupait le champ de l'écrit et des fonctions de communication prestigieuses, le berbère aurait joué le rôle d'un dialecte marginal et dépourvu de prestige. Pourtant, des recherches récentes dont je donne un aperçu dans la bibliographie de notre site, ont montré que les sources arabes médiévales infirment largement cette vision des choses. Elles prouvent que l'histoire du Maghreb, depuis la conquête arabe jusqu'aux empires berbères, s'est déroulée dans un cadre bilingue arabe-berbère et même parfois dans un monolinguisme berbère. Ces études nous permettent de comprendre comment la promotion du berbère comme langue de la prédication est allée de pair avec une islamisation et une arabisation de la langue. Après la conquête arabe de 670, les révoltes populaires eurent pour conséquence la formation de plusieurs royaumes berbères indépendants. La fuite de la majorité des Arabes qui s'étaient installés au Maghreb contribua fortement à freiner l'arabisation des populations. Bien que ces textes ne soient pas parvenus jusqu'à nous, les spécialistes pensent que la diffusion de l'islam se fit alors en s'appuyant sur des Corans écrits en berbère. Sous la dynastie des Almohades, un mouvement religieux berbère qui se transforma en empire pour gouverner le Maghreb et l'Andalousie entre le milieu du XIIe et le XIIIe siècle, le berbère bénéficia du statut de langue sacrée et fut, à ce titre, considéré comme digne d'être diffusé par écrit. L'unification politique et territoriale de l'Occident musulman médiéval, impulsée par les Almohades, entraîna d'importants mouvements de population entre les différentes provinces de l'Empire. Cet essor des échanges favorisa, sur le plan linguistique, la diffusion de l'arabe en milieu berbère et, inversement, la diffusion du berbère en milieu andalou. À partir du XIVe siècle, l'effondrement de l'Empire almohade eut pour effet de marginaliser la langue berbère. Au cours des siècles suivants, elle fut l'objet du dédain des lettrés, pris dans l'orbite des grands centres de diffusion de la culture arabo-musulmane située au Moyen-Orient. Les Maghrébins construisirent ainsi leur identité collective dans le mépris de leur langue maternelle, arabe dialectale ou berbère, alors qu'au même moment débutait en Europe un processus inverse visant à valoriser les langues vernaculaires au détriment du latin. Merci beaucoup Gérard Noiriel. Le pourquoi du comment à retrouver sur franceculture.fr et sur l'appli Radio France, ainsi qu'en librairie. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Alexandre Manzanares, avec aujourd'hui à la technique Jean-Guilain Meige, et merci aux équipes de France Bleu Roussillon. Le cours de l'histoire préparé par Jeanne Copet, Jeanne Delecroix, Anne Toscan-Viudès, Gillian Tilly et Mayou Nguizhou. Merci à l'Institut National de l'Audiovisuel pour son aide pour les archives. Cette émission et toutes les précédentes sont à écouter à podcaster sur franceculture.fr et sur l'appli Radio France.